Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Avant de commencer cette interview avec Bertrand, je me permets de vous faire une grande annonce, une annonce qui, j'en suis sûr, va vous intéresser, puisque dans la continuité des 2030 Glorieuses, nous sortons avec Lauriane et Quentin, deux artistes bénévoles de l'association Ça commence par moi, un guide des conversations utopiques. C'est un guide qui va vous permettre, à travers de nombreux outils, notamment une carte qui se déplie comme une carte au trésor, mais aussi des oracles qui donnent à voir les différents aspects de notre société en 2030 glorieuse et qui va donc vous donner la possibilité avec vos proches, que ce soit votre famille, vos amis, mais aussi en entreprise ou pourquoi pas dans votre école ou dans votre association, de partir vous-même en 2030 glorieuse. C'est vraiment un outil dont je suis très fier, que je teste depuis quelques années maintenant, qu'on a largement développé. Une V1 est sortie en début d'année. Elle a été peaufinée grâce au retour d'une trentaine de testeurs et testeuses. Et aujourd'hui, on lance donc cette V2 vraiment aboutie grâce à une campagne de crowdfunding qui est sur la plateforme de la NEF qui s'appelle Zest, une plateforme de crowdfunding éthique où vous pourrez retrouver pendant un gros mois la campagne donc pour obtenir vous-même votre guide des conversations utopiques et plein d'autres contreparties qui sont hyper pertinentes dans l'idée de voyager dans ces utopies réalistes. Le lien de la plateforme, c'est zest.coop et ensuite vous cherchez 2030 Glorieuse, ça va vous emmener directement sur cette page. Je sais que vous m'écoutez depuis assez longtemps pour la plupart d'entre vous et je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier pour votre écoute et je vous dis au passage que j'ai besoin de votre soutien et on a besoin de votre soutien pour cette campagne. Il faut que ça parte fort, il faut que la dynamique soit lancée. J'aurai l'occasion de revenir vers vous pour vous donner plus de détails, mais au moins vous avez l'information. Allez, on commence l'interview avec Bertrand. Bonjour Bertrand Rodriguez. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse est soutenu par la NEF, j'en suis très fier. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, Bertrand, mais Caténaire, que tu représentes aujourd'hui, est soutenu par la NEF. Pour moi, c'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Donc c'est vraiment, vraiment important et pour ça, je les en remercie. Aujourd'hui, Bertrand, nous échangeons à distance et nous allons parler avec toi de ton métier au sein de Caténaire, qui est la coopérative d'énergie participative dans les Pyrénées-Orientales. Ensemble, nous allons discuter de la place de l'énergie dans nos vies, du modèle coopératif et du rôle des citoyens dans la transformation de notre société. Rien que ça, ça s'annonce passionnant. Mais avant de rentrer dans le détail de l'activité de Caténaire, pour commencer notre échange, Bertrand, je te pose la question que je pose à tout le monde, c'est-à-dire, imagine, tu es dans une soirée, oui, un jour, on pourra à nouveau être dans des soirées, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu dois répondre à cette question qui dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, je lui dis que je produis de l'énergie renouvelable avec deux ingrédients différents de ce qu'il peut peut-être voir par ailleurs. C'est des projets qui sont menés en gouvernance partagée, dont le territoire est pleinement impliqué pour défendre ces projets et leur donner toutes les couleurs qui le souhaitent, et on fait pour ça une ouverture dans l'investissement des projets lors de la construction, et donc tout un chacun peut contribuer comme tel un petit colibri à hauteur de quelques euros pour voir ses projets émerger. Comment tu définirais ton poste ? La manière classique de le faire serait de dire que tu es directeur de la coopérative, très bien. Au-delà de ça, tu es facilitateur, tu es entremetteur. Comment le définir mieux que ça ? Comme tu le dis, tu donnes la possibilité aux citoyens de s'approprier leur production d'énergie d'une certaine manière. Alors, il y a pas mal de mots qui permettent de le définir. On peut l'appeler classiquement chargé de projet, développeur, aménageur de projets d'énergie renouvelable. Et puis, moi, j'aime bien la notion de création. Il y a une création artisanale sur chacun de nos projets parce que la dimension économique est essentielle, mais on a de forts critères sur l'aspect territorial, l'aspect social, sociétal de nos projets, l'aspect collectif et bien sûr l'aspect environnemental, ce qui fait que chacun de nos projets est une sorte d'objet qu'on a façonné. Il y a ce côté artisanal et un petit peu de création. Ouais, j'entends le caractère unique derrière chacun des projets que vous portez, que vous facilitez avec Catener. On y reviendra, si tu veux, un peu plus dans le détail. Avant de rentrer dans cette caractérisation de ce que vous faites concrètement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus encore de ton poste et qu'on continue à tirer ce fil. Tu as suivi quel parcours, quel éveil ou quel appel tu as ressenti ou tu as entendu pour te retrouver aujourd'hui en tant que chargé de projet, que directeur de Catener ? Donc j'ai fait des études scientifiques, un bac S, une licence, un IUT, pardon, mesures physiques, donc qui est autant théorique que pratique, et je trouvais ça intéressant, qui touche pas mal de domaines, enfin tous les domaines de la physique et de la chimie, et puis une licence où je me suis spécialisé plutôt sur tout ce qui était mécanique, thermodynamique, et donc thermique, énergétique, à contrario de laisser peut-être un peu plus tout ce qui est électronique, électrique, et à la fin de la licence, j'ai appris la création d'un master énergie solaire à Perpignan, et l'énergie titillait mon esprit pour plusieurs raisons, l'aspect technique et puis mon aspect, on pourrait dire quasiment géopolitique, de se dire que quand on regarde l'histoire de l'énergie et comment l'énergie est gérée dans le monde, on voit que assez vite on le met sur les ressources naturelles, on le met sur des conflits d'usage et donc pas mal de tensions géopolitiques, de guerres. On dit souvent que le pétrole, c'est l'or noir, et donc il y a quand même ce côté très fort et très important dans notre économie et dans nos vies. Et donc, j'avais très envie de œuvrer à ma petite mesure à ce que on trouve d'autres solutions énergétiques, à la fois sur de la production, mais aussi sur l'utilisation, se questionner sur cette utilisation. Et il y avait trois formations en 2005 en France sur les énergies renouvelables, dont une en Savoie, une en Corse et une à Perpignan. Et donc j'étais très content de pouvoir suivre les cours du master énergie solaire à Perpignan. Et donc un master qui se dit énergie solaire, mais qui est, on va dire, un prétexte, le nom solaire, sur le fait que le vent existe parce que à un moment donné le soleil a chauffé des masses d'air, etc. Donc en fait c'est un master énergétique avec des spécificités et des spécialisations sur les énergies renouvelables. Un master qui est né sur un territoire un peu particulier. Dans les Pyrénées-Orientales, on recense un des premiers fours solaires du monde qui s'est créé en 1905 dans les Alberts, dans le petit village de Sorède. Un four solaire qui a été refabriqué à l'échelle 1. Donc c'est dû au fort ensoleillement. Hein. Et puis, on connaît peut-être le grand four solaire d'Odeio, construit dans les années 60 par Félix Trom. Et donc là, il y a une grosse unité qui permet de faire de la recherche à très haute température. Bah, très bien, je vois tout le côté de la démarche d'ingénieur, de recherche dans les énergies renouvelables, mais en fait, tu aurais très bien pu travailler dans un cabinet d'études, travailler, je ne sais pas, à la RTE, travailler dans un grand groupe comme Engie ou autre. Et toi, tu t'es quand même assez... radicalement orienté vers des projets qui sont, eux, à hauteur de citoyens, coopératifs, collaboratifs, et qui vont dans cette tendance des énergies renouvelables qu'on trouve malheureusement en minorité, mais qui sont pas mal portées par des mouvements comme Énergie Partagée, comme Enercop, qui sont dans une énergie qui est à la fois une solution technique, mais aussi un prétexte pour créer du lien entre les êtres humains. Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que... on a vite vu que en science tout dépend de la manière dont on utilise l'outil qu'on a façonné, et on peut faire de très belles choses avec ou de très mauvaises. Et un projet d'énergie renouvelable, bon, on fabrique de l'énergie, mais si on s'arrête là, on n'a pas créé la transition énergétique. Et donc c'est vraiment tout un modèle qu'il faut repenser, un modèle qu'il faut reconstruire autour de, certes, la production, mais aussi l'efficacité, l'utilisation et la sobriété de cette énergie. Et donc, voilà, il y a quelque chose de global là-dessus. Et la transition énergétique, les énergies renouvelables ont un gros avantage, c'est d'être par nature décentralisées. Ça veut dire que... à contrario du schéma où on a des centrales nucléaires qui sont très puissantes et donc géographiquement dans un espace assez restreint, là on a un foisonnement de petites unités ou de plus petites unités de production qui ont un lien beaucoup plus étroit avec le territoire. Et c'est là où, pour nous, les projets d'énergie renouvelable sont des projets d'aménagement structurant, d'aménagement majeur d'un territoire. Et il est essentiel que le territoire soit de la partie pour définir le projet de production et donc derrière l'utilisation de cette énergie. Et donc c'est là où on dit qu'on fait des projets de territoire, des projets de gouvernance partagée, où le territoire, par ses collectivités territoriales, par ses entreprises, tous ses acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, associés avec la société civile, que sont les associations, les particuliers, de manière à définir le projet qui leur est pertinent. Il y a parfois sur des projets d'énergie renouvelable des concessions à faire, des concessions par exemple sur des aspects patrimoniaux, des aspects esthétiques. Il y a souvent la question du paysage par exemple qui revient dans les énergies renouvelables. Et donc si on doit faire une concession sur le paysage à un moment donné, il faut qu'on comprenne bien quels sont les avantages et pourquoi on fait ce projet, et à la fois minorer ces concessions sur des éléments plutôt négatifs et qu'il y ait une valorisation maximale sur les externalités positives d'un projet. Ouais, parce que tu le disais, hein, vous êtes situé dans les Pyrénées orientales et donc vous soutenez et développez majoritairement des projets de toiture photovoltaïque, vous profitez du soleil. Hein. En effet, on a un ensoleillement qui est colossal. Le plateau de Cerdagne, donc là où est le four solaire de Font-Romeu, est un des endroits les plus ensoleillés d'Europe. Donc il est clair qu'il y a une ressource qui est une richesse énorme, et on bénéficie du coup d'une bonne adéquation et puis une bonne j'allais dire acceptation, mais c'est pas tellement le mot, c'est plutôt le fait que on arrive à discuter avec une population qui se prête assez facilement au jeu pour en devenir jusqu'à acteur, c'est de savoir que cette ressource est énorme. Et donc on a en effet, dans le développement de Caténaire, développer des petites unités de toiture photovoltaïque pour notre démarrage. pour justement tester cette innovation sociale que nous pratiquons. Et fort de ces premières installations, aujourd'hui, on a des projets en réflexion qui sont des projets de plus grande importance et aussi sur qui utilisent d'autres ressources naturelles. On a par exemple beaucoup de vent, on a la tramontane dans les Pyrénées-Orientales, et donc on a un projet éolien par exemple, voilà, qu'on est en train de développer actuellement. On regarde aussi des petites centrales hydroélectriques sur les rivières. On a beaucoup de bois. En fait, on a un département qui est assez particulier puisqu'on a à la fois la mer et la montagne sur un même petit territoire. Et donc, où les Pyrénées se jettent dans la Méditerranée. Et donc, ça donne à la fois plein de spécificités géographiques, agricoles, donc des curiosités touristiques, etc., etc. Ouais, tu ferais un bon guide touristique, hein. Je t'entendais parler de ta région et c'est vrai que ça donne envie d'y aller. Ah, mais de toute manière, c'est clair que c'est un bassin touristique important. Mais moi, ce que je voulais voir en fait avec toi, parce que ça me paraît évident, mais ça l'est sans doute pas pour les personnes qui nous écoutent, c'est que tu nous refasses rapidement, parce que je me rends compte que t'es une vraie pipelette, mais rapidement le circuit un peu de validation d'un projet qui vient des citoyens, soutenus par les citoyens, portés par les citoyens, suivis par les citoyens. J'aimerais que tu nous racontes très rapidement un peu ce déroulé, et donc aussi que tu que d'une certaine manière que tu tendes un peu la perche aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles comprennent que elles peuvent en fait soutenir un projet, simplement en soutenir un en le finançant, mais pourquoi pas peut-être aussi se rapprocher des bonnes organisations pour en lancer un dans leur région. Donc la coopérative que nous avons créée est beaucoup à l'écoute du territoire et à ses besoins, et donc on est sollicité par des futurs bénéficiaires. C'est comme ça qu'on appelle les propriétaires, qu'ils soient des propriétaires bâtis ou des propriétaires fonciers. Ça peut être des collectivités, ça peut être des artisans, des agriculteurs. Et donc, ils viennent nous voir avec l'émergence d'un projet, l'idée d'un projet. On le travaille ensemble. Et on va commencer par des études plutôt techniques au démarrage pour voir si le projet est faisable. De par l'ensemble de ses caractéristiques. Et puis, dès qu'on a des premières validations, des premiers retours d'études positives, alors on commence à élargir le cercle des acteurs de ce projet, on peut dire co-porteurs, ou on crée parfois des comités de pilotage ou des comités territoriaux pour ces projets. Et donc, toutes les bonnes volontés se retrouvent pour pouvoir faire avancer le projet et lui donner les teintes, les couleurs qui paraissent pertinentes. Et donc, au fur et à mesure des étapes, ce collectif s'élargit. Et donc, il y a un petit jeu, justement, d'utiliser les bons outils par rapport aux étapes et l'élargissement du cercle d'acteurs dans un projet. On ne fait que des projets qui ont une vocation collective forte. Donc c'est pour ça que je parlais de collectivité, d'artisans ou d'agriculteurs. On ne fait pas de projets, par exemple, chez des particuliers, parce que le côté collectif nous paraît peu évident. Et donc à mobiliser une structure peut-être un peu plus lourde et collective et coopérative fait qu'on voilà, on la tourne vers des projets collectifs. On a une structure nationale qui s'appelle Énergie Partagée, donc qui est une association qui regroupe l'ensemble des coopératives. Donc il y a à peu près 200 coopératives aujourd'hui en France, 200 projets qui sont aujourd'hui répartis sur tout le territoire français. Donc il est très probable que vous en ayez une sur votre territoire. Il est possible aussi d'en créer. Il y a pour cela des associations régionales qui font partie de cette association nationale. Alors elles n'ont pas forcément le nom Énergie Partagée le nom de l'association. Par exemple, en Occitanie, elle s'appelle Éclair pour Énergie Citoyenne Locale et Renouvelable. Et donc, ce sont des animateurs en région qui peuvent accompagner soit les structures existantes ou la création de nouvelles structures quand sur le territoire, il n'y a pas la structure. Et donc, il y a cette idée d'arriver petit à petit à mailler tout le territoire pour qu'il soit totalement couvert par des coopératives de production d'énergie renouvelable. Oui, effectivement, tu parles d'énergie partagée. Ils ont une carte interactive qui est très bien faite. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez vous rendre compte un peu de ce qui existe sur votre territoire, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Dernière question pour toi, Bertrand, avant qu'on passe à la deuxième partie. J'ai lu que, bon, alors ça date de 2019, tu me corriges ou tu mets à jour un peu mes chiffres si tu en as des plus récents, mais j'ai lu qu'il existait un peu plus de 230 projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale en France et que ça représentait environ 11 000 citoyens mobilisés partout sur le territoire pour permettre d'alimenter les besoins en électricité de 600 000 personnes. C'est déjà pas mal et à la fois... Ces projets à gouvernance locale, ils représentent seulement 1% de l'ensemble des projets d'électricité renouvelable en place. C'est un peu comme les commentaires que j'avais quand j'étais à l'école, quoi. C'est pas mal, mais peut mieux faire, non ? Ouais, exactement. Bon, alors je connais pas précisément là les derniers chiffres, mais à jour, mais on est dans ces ordres de grandeur là. Certes, c'est un démarrage. Après, faut voir la courbe de démarrage et c'est une courbe qui est exponentielle, c'est-à-dire que toutes ces structures sont très jeunes. C'est-à-dire que l'ouverture du marché de l'énergie en France, c'était 2004-2005. Donc c'est à ce moment-là qu'Enercoop s'est créé, donc Enercoop sur la fourniture, et puis Énergie Partagée s'est créé en 2008-2009, donc un fonds d'investissement citoyen pour pouvoir financer des projets donc d'énergie citoyenne, et ça veut dire qu'on est parti à ces dates-là de zéro, et aujourd'hui on a dépassé les 200, ce qui montre une progression très forte et on va dire qu'il y a un effet aussi où peut-être a été plus dur le démarrage et d'amorcer la pompe et aujourd'hui avec tous les outils que nous avons du fait de se fédérer au niveau national et c'est une de nos grandes forces, hein. C'est certes on est jeune mais on a des retours d'expérience de toutes les régions qui enrichissent le portage de nos projets qui est colossal, que ce soit sur les aspects on peut le dire financiers par exemple avec la NEF qui est un des partenaires de notre mouvement, mais avec des aspects juridiques, des aspects techniques, etc. on a aujourd'hui la capacité de répondre collectivement à, je pense, quasiment toutes les questions qu'on pourrait se poser en termes d'énergie. Et dans les scénarios qu'on rêve, hein, on arrive à mettre des objectifs, par exemple pour 2030, d'arriver à 15% de production d'énergie citoyenne dans le mix énergétique et 50% d'ici 2050, et donc 2050 quand on aura 100% d'énergie renouvelable. Transition parfaite, Bertrand, je t'engage, puisque nous allons justement pas tarder à partir en 2030 glorieuse où tu nous raconteras, on rêvera pas, on concrétisera à quel point les énergies renouvelables citoyennes, elles ont la part belle et elles ont réussi à aller dans ce sens exponentiel dont tu nous parles. Avant de partir en voyage ensemble, s'il te plaît, faisons une pause. Tu es venu avec une lecture qui est une bulle d'inspiration qu'on trouve comme ça dans les romans qui sont tout autour de nous et qui donne une couleur particulière aux valeurs que tu es venu défendre aujourd'hui. Quelle est cette lecture ? J'ai choisi un extrait du chapitre 3 de Germinal de Émile Zola. Comprenait bien qu'une chose, le puits avalé des hommes par bouchées de 20 et de 30, et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'êtres en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montée du noir se calait sur les verrous, avec ses quatre étages contenant chacun deux berlines pleines de charbon. Des moulineurs, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargés à l'avance des boîtes de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongée, silencieuse, tombée comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. « C'est profond ?» demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui l'air somnolent. « 584 mètres, » répondit l'homme. « Mais il y a 4 accrochages au-dessus, le premier à 320. » Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. « Et quand ça casse ?»« Ah, quand ça casse ?» Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé, la cage avait reparu, de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec ses camarades, elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de 4 minutes à peine, pour engloutir un autre charge d'homme. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait, mais sans un arrêt, toujours affamé, de boyaux géants, capables de digérer un peuple. Cela s'emplissait, s'emplissait encore, et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide dans le même silence vorace. Était là, hein. C'est pas tellement une source d'inspiration, mais en tout cas pour dire que ben là, par exemple, les mines de charbon qui sont pas si vieilles, hein, enfin, milieu du 19e, c'est quand même des conditions de travail qui étaient très dures. Hein. Ouais, effectivement difficile de le dire autrement, et ça m'a donné envie de relire Germinal. Merci pour ta lecture, Bertrand. C'est jamais évident à accueillir comme ça quand on écoute tout entier et qu'on se prend ce choc. Et à la fois, ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. On fait un grand écart là. Hein, ça y est, on part en 2030 glorieuse. Donc on fait un bond de plusieurs décennies là depuis Germinal, dans un monde où ça y est, on aurait réussi à remettre le vivant au cœur de notre société, à changer de boussole, à mettre un terme à la croissance économique recherchée à tout prix pour privilégier d'autres croissances. C'est à nous de décider quelles sont ces croissances de solidarité, croissance de sens, croissance de la place de la nature parmi nous et du retour de l'être humain parmi cette nature. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, comme dirait l'autre, mais par contre, essayons de jouer le jeu au maximum. Tu disais tout à l'heure que tu rêvais et que dans l'idéal, les énergies renouvelables citoyennes représentaient 15% du mix énergétique. Ben voilà, ça y est, c'est fait. La baguette magique des 2030 glorieuse a fonctionné. Nous allons parler au présent comme si nous étions les deux pieds en 2030 glorieuse. D'ailleurs, nous y sommes et nous allons essayer d'éclairer au mieux le paysage pour que les personnes encore restées en 2021 et qui nous écoutent puissent bien voir ce qu'on a devant les yeux. La première question que je te pose, Bertrand, c'est justement, toi, tu es en 2030 glorieuse, tu as cette société respectueuse du vivant à travers ta fenêtre. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois un système énergétique qui regarde moins sous terre, mais qui regarde plus en l'air et qui s'ouvre justement à une ressource naturelle énergétique, non pas de stock comme peut l'être justement le charbon ou le pétrole, l'uranium, mais sur une énergie de flux qui en fait est disponible, qui nous traverse tous les jours, mais qu'on a réussi à capter. Donc on a des outils qui nous permettent de cueillir cette énergie qui est le solaire, l'éolien, le vent, la force de l'eau. On utilise aussi certaines forêts avec une gestion forestière durable. On a un mix énergétique qui est déjà bien développé et qui se développe encore. Et qui nous permet de reconnecter un petit peu plus notre énergie avec une partie visible et non pas cachée sous terre, et que ce qu'on peut apercevoir nous permet de donner du sens à la production, et donc on est un peu plus bienveillant aussi sur l'utilisation qu'on fait de cette énergie, parce que les projets que nous voyons dans notre quotidien sont des projets pour lesquels on a participé. On a participé à des ateliers de réflexion sur où est-ce qu'on allait, par exemple, poser des éoliennes, ou quelle forêt on allait utiliser pour le bois énergie de la chaudière. On se rappelle que on a vécu des moments agréables en collectif, et on a pris plaisir à rencontrer des gens, que on a fait des jeux, que il y a eu des fois des questions qui étaient sensibles, mais pour lesquelles on a réussi à trouver un consensus. Et donc il y a un certain plaisir déjà à les regarder, parce que on y sent notre histoire. Et c'est pas une histoire de un projet qui a été parachuté dans nos vies sans qu'on le comprenne, mais il y a bien une notion de se dire que quand le vent souffle et qu'on voit tourner ces éoliennes, le vent souffle pour nous. Et donc cette énergie qui est utilisée des activités qu'on a voulu préserver, ou qu'on a voulu développer, qu'on a voulu encourager, soutenir. Ça peut être par exemple des agriculteurs qui font une production locale, biologique, et qui emploient une main d'œuvre. Donc tout un tas de d'unités de production dont on est fier et content de voir au quotidien. J'entends bien le côté social des énergies renouvelables, et donc à quel point on reprend le contrôle sur cette énergie. Je me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque où les pubs existaient encore, à la télé, il y avait ce slogan qui revenait souvent et qui existait depuis longtemps, qui disait « l'énergie est notre avenir, économisons-la ». Ils avaient raison, finalement, même sans le savoir ni sans le vouloir, que en fait l'énergie, avant de la consommer, il fallait d'abord l'économiser et reconsidérer tout un pan de notre quotidien où l'énergie est absente. Oui, exactement. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait utiliser par le passé étaient des systèmes où il y avait énormément de gaspillage, énormément de gâchis. Par exemple, on avait en 2021 un projet à Marseille où on comptait faire venir du bois des Pyrénées pour faire de l'électricité, et cette même électricité repartirait jusque dans les Pyrénées pour alimenter des convecteurs électriques. Et donc, quand on voit le rendement énergétique, alors il y a plusieurs outils qui nous permettent de calculer ces choses-là. Ça peut être, par exemple, le bilan carbone de l'ensemble d'un usage. Ça peut être l'énergie grise, c'est-à-dire quelle énergie il a fallu utiliser pour ce système et quelle énergie me donne ce système. Et ça peut être aussi une analyse de cycle de vie, par exemple, qui prend toutes les ressources qu'on a consommées, de leur extraction jusqu'à leur recyclage. Et on voit que on a des systèmes énergétiques qui sont peu efficaces, de l'ordre de la vingtaine pour cent d'efficacité énergétique, alors que par justement une gestion forestière adaptée et une bonne chaudière ou un poêle de bonne efficacité, on a 80-90% de rendement énergétique. Et donc on a des critères qui nous ont permis de faire les choix de ces systèmes énergétiques, à l'échelle de territoire, réalisé de grosses économies du fait du gaspillage, et donc des économies financières, mais aussi des économies de carbone, des économies de production de déchets nucléaires, et aussi tout ce que implique en termes social et environnemental des projets d'énergie. Ouais, ce que j'entends, c'est que vraiment, c'est notre relation à l'énergie qui change, puisque en 2030 glorieuse, on n'est plus les maîtres de cette énergie qui puisons, décidons, orientons selon nos désirs, où tout est énergie et finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'immédiateté. Ce que j'entends et ce que j'ai bien aimé avec ta remarque te dire qu'on ne puisait plus l'énergie, mais on la cueillait, et finalement, on accepte aussi que de temps en temps, cette énergie, elle ne soit pas là. Et donc, on l'a remis à un niveau de respect qui nous permet aussi de l'apprécier à sa juste valeur, cette énergie. Oui, moi, je dirais que, en fait, on a réussi à avoir un mix énergétique qui nous permet de tout le temps avoir de l'énergie. Donc, l'énergie est tout le temps là. Mais l'énergie qu'on a accueillie pour les besoins immédiats a été consommée. Mais il y a eu une réflexion aussi de se dire qu'on a besoin à la fois d'un mix énergétique pour pouvoir répondre à des besoins énergétiques qu'on a permanents, continus, et aussi on a fait des stocks de cette énergie. Il y a différents moyens de stocker l'énergie. Je pense par exemple à des STEP, donc du stockage par exemple dans des barrages d'eau où on est capable de stocker aussi cette énergie. Mais par contre, on a fait un effort d'utilisation, de se dire que par exemple ce qu'on appelait en 2021 les heures creuses, de par le fait que on avait des centrales nucléaires qui font qu'on a une énergie, la production est continue, il est difficile de faire varier la production d'une centrale nucléaire. Alors on a créé les heures creuses pour justement qu'il y ait de la consommation la nuit. Alors que là, du coup, d'utiliser par exemple plus le solaire, on va favoriser l'utilisation de la machine à laver par exemple la journée. On va déporter et on va plus regarder la météo en se disant demain il va y avoir beaucoup de soleil ou pas, ou beaucoup de vent ou pas. Et donc notre consommation, les choses qu'il est facile d'adapter, sera adaptée. Ouais, il y a un lien plus évident aux éléments. Et le stock dont tu parles, pour donner l'exemple, comme tu le disais, des barrages, c'est que quand on a une énergie à disponibilité, et ben justement on fait remonter l'eau de manière à ce qu'on puisse l'utiliser, cette eau, pour reproduire à nouveau de l'électricité au moment où on en aura vraiment besoin, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas comment ça marche. Exactement. Et d'ailleurs, on avait 10 ans en arrière, un peu plus même, une quinzaine d'années en arrière, l'association de Negawatt qui avait travaillé sur un scénario pour viser la neutralité en 2050. Et eux, ils avaient l'objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2050. On n'y est pas encore, on est en 2030. Mais concrètement, à quoi ça marche? Ils annonçaient la fermeture du dernier réacteur nucléaire en 2035. Ils annonçaient plus d'un tiers d'énergie renouvelable en 2030. Et forcément, moins de voitures, des grands projets de rénovation thermique des bâtiments, des centaines de milliers d'emplois. Parce que finalement, cette transition énergétique, c'est une opportunité incroyable. Ça, tu peux le raconter aux gens qui nous écoutent ? Oui, exactement. C'est-à-dire que dans le scénario Negawatt appliqué pour le département des Pyrénées-Orientales, il faut savoir qu'en 2021, par exemple, on était, les grands chiffres pour un département, on était à 20% d'autoproduction et 80% d'importation de cette énergie. Et donc, le coût de cette balance déséquilibrée, le coût journalier, est estimé à 2 millions d'euros par jour. Ça veut dire que chaque année, il y a 700 millions d'euros du territoire des Pyrénées-Orientales qui le quittent pour l'achat d'énergie. L'achat d'énergie, en plus, donc peu efficace, polluant, etc., etc. Et donc, quand on produit notre énergie et qu'on est capable, en capacité de pouvoir injecter cet argent-là dans l'économie locale, et donc de notamment utiliser des entreprises locales, leur savoir-faire pour la construction ou la maintenance des installations, on arrive à créer 6000 emplois donc pour 2050, à l'échelle des Pyrénées-Orientales, sur la région Occitanie, qui a fait un scénario qui s'appelle Région Énergie Positive, REPOS, Donc, un petit peu comme le scénario Négawatt, on s'aperçoit que c'est plus de 90 000 emplois. Et donc, pour le département des Pyrénées-Orientales, c'est très important parce que le département des Pyrénées-Orientales est le premier en termes de chômage et de RSA. Donc, on a voilà, des conditions sociales qui sont très particulières. Et donc, il est pour nous hyper important d'arriver à créer de l'emploi localement. Et donc, d'autant qu'on est un petit peu le département des records, c'est que donc on n'a pas le premier ensoleillement, on n'est pas premier en ensoleillement, mais on est premier sur le mix soleil-vent en termes de ressources. Donc, il est assez facile de embarquer des gens avec nous quand on fait le constat juste l'état des lieux et voilà de se dire tiens il y a un problème et il faut qu'on reprenne en main ces choses-là. Et donc on a fait aussi une étude pour au niveau national avec Énergie Partagée pour montrer que dans un projet de production d'énergie renouvelable développée de manière coopérative, on arrive à faire deux fois plus de retombées économiques locales que dans un projet d'énergie renouvelable classique. À la fois sur les emplois, donc la construction et la maintenance, et à la fois sur le fait que l'investissement qui majoritairement est apporté par les épargnants locaux, les bénéfices qui sont dégagés restent aussi en local. Et donc, c'est aussi de l'argent qui va moins partir. On ne sait pas trop où, mais ça peut être donc dans les actionnaires de multinationales, sur des paradis fiscaux, etc. etc. On a beaucoup moins cet effet-là. Et donc, on a une valorisation territoriale qui est colossale sur ces aspects. Toi, Bertrand, qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorieuse? Tu continues à travailler pour Catener et là, du coup, je t'imagine débordé parce que du coup, tu dois être hyper sollicité dans ta région pour continuer à soutenir, développer, transmettre aussi ton expérience acquise depuis une dizaine d'années. Ou est-ce que tu as au contraire eu envie d'explorer d'autres alternatives, d'autres futurs? Je pense que je serai toujours en 2030, alors si ce n'est dans Catener, mais dans un métier autour de l'énergie, parce que je me vois pas faire autre chose. Et quand je parlais du niveau de conscience et d'information, je serais peut-être mal à l'aise de faire autre chose. Je l'exprime comme ça, mais c'est pour dire que pour moi le sujet est tellement grave que ça me tient à cœur de contribuer à cette transition énergétique et écologique. Et j'y prends plaisir. Donc j'espère que ça va durer, mais il y a un côté hyper riche parce que on utilise l'énergie partout. On utilise l'énergie pour se nourrir, pour se loger, pour se déplacer. Voilà, elle est partout. Elle concerne tout le monde. Tout le monde en utilise. Donc il y a un côté aussi enrichissant, sociétalement parlant, de tout ça. Et ça touche à plein d'activités. Voilà, ça suscite ma curiosité d'aller explorer tout ça. Donc je serai peut-être toujours directeur de Catener. Il y aura d'autres coopératives qui naîtront. En 2030, peut-être que la bonne échelle territoriale sera autour du bassin de vie ou autour d'une communauté de communes. Il y aura peut-être 10, 15 coopératives comme Catener dans le département des Pyrénées-Orientales. Donc, chacune de nous sera pas en burn-out, mais on aura réussi à faire émerger d'autres coopératives. Et c'est là où les réseaux régionaux, les associations régionales avec les animateurs ont un fort rôle à jouer, justement, d'essaimage. Sur cette thématique. Nous, on le fait un petit peu. On accompagne 3-4 coopératives aujourd'hui, un peu comme un grand frère ou un grand parrain. Et donc, on rend beaucoup notre retour d'expérience pour que d'autres coopératives se développent. Après, oui, on aura réalisé quelques projets, on en aura dans les cartons et on aura réussi à embaucher. En 2021, on était 1,5 ETP, ce qui est très peu, hein. Et on aura peut-être 4-5 ETP au sein de la coopérative pour pouvoir mener nos projets. Mais aussi, on sera beaucoup plus identifié, mieux identifié dans un territoire comme un acteur sur cette thématique. Et donc, on aura développé tout un tas de passerelles, intensifié tout un tas de passerelles avec des bureaux d'études, avec des architectes, avec des urbanistes, avec des collectivités, etc., etc., avec tout un tas d'acteurs qui sont déjà présents et qui œuvrent aussi et qui font partie des métiers de demain, avec peut-être certains aménagements de leur métier, mais qui font partie déjà de ces métiers-là de demain et donc avec lesquels on travaillera. Donc, est-ce que ça sera, quelle sera la partie internalisée dans Caténaire, externalisée dans Caténaire, je ne sais pas encore, mais voilà, il y aura beaucoup d'échanges avec des partenaires locaux. De retour en 2021, Bertrand, on a dit beaucoup de choses, hein, sur l'avenir des énergies renouvelables et notamment des coopératives de production citoyenne. Les personnes qui nous ont écoutés, qui ont envie de marcher vers cet avenir qu'on voit plein d'opportunités, qu'est-ce que tu leur conseilles comme premier pas ? Quelle est la première chose à faire là, en terminant le podcast, pour justement soutenir le développement de ces énergies et les faire rentrer dans nos vies ? Alors, je crois pas qu'il y ait une porte unique, hein. Je sais que comme l'énergie est partout, il y a plein de portes pour contribuer à cette transition énergétique. Ça peut être, je pense que de toute manière, il y a une connaissance, une information. Donc, comprendre comment est fait ce modèle énergétique et donc simplement qu'est-ce que je consomme, d'où est-ce que ça provient. Pourquoi je le consomme, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je peux améliorer ces pratiques-là. Alors le scénario négawatt est très bien fait là-dessus, où il explique la photo actuelle. Il y a un site internet qui s'appelle Décrypter l'énergie, qui permet justement de comprendre certains grands enjeux, ou alors on peut par exemple changer de fournisseur d'électricité. Ça peut être donc passé notamment chez Enercoop, qui achète directement à des producteurs comme nous, comme Caténaire. Donc c'est la garantie d'avoir une électricité qui est 100% d'origine renouvelable. Ça peut être s'engager dans une coopérative et donc porter un projet sur le toit de l'école communale où on a ses enfants, ou porter un projet d'hydroélectricité sur une rivière, ou etc. Donc peut-être regarder le potentiel et la ressource locale pour voir si on peut pousser sur son territoire à un projet. Ça peut être faire de la pédagogie. Il y a beaucoup d'associations qui font des interventions dans les écoles ou auprès du grand public pour justement toucher ce qui est l'énergie et le dérèglement climatique, qui sont des choses qui sont pas trop visibles, qui sont impalpables. Donc par la science, par des expériences, on arrive à rendre concret ces choses-là. Voilà, ça peut être en réfléchissant à chaque acte de consommation, quand on mange, quand on achète une voiture, voilà, etc., etc. Tous ces faits et gestes sont à re-questionner pour pousser justement à cette transition énergétique et écologique. Merci Bertrand. Avec grand plaisir et merci pour ton invitation, Julien. Et voilà, ça y est, cet épisode avec Bertrand Rodriguez se termine. Je suis très content de cette interview, d'autant que je ne savais pas trop où on allait aller. C'était pour la première fois un échange très technique sur le sujet de l'énergie qui en plus est très clivant, et du coup j'avais peur que ça aille un peu n'importe où, surtout nulle part, parce que d'habitude quand on entend les experts qui traitent de ces sujets, bah justement ils dépensent beaucoup d'énergie et ils la gâchent à mon sens. C'est un peu comme ce que disait Bertrand, puisque finalement c'est la chapelle du nucléaire qui s'oppose à la chapelle du renouvelable et qui du coup s'affronte à coups d'arguments sur l'intermittence de l'énergie, sur sa capacité à être stockée, etc., etc. Et finalement, à la fin, on ne fait pas avancer le schmilblick, alors que lui, Bertrand, dans tout ce qu'il nous a laissé avoir de l'opportunité des énergies renouvelables à travers la coopérative de production citoyenne, c'est justement que du positif dans la création des emplois, du positif dans la création de liens, et on se rend compte que l'efficacité énergétique, justement, elle est vraiment sublimée à travers ce projet que dirige Bertrand, là, en l'occurrence, dans les Pyrénées-Orientales, mais partout sur le territoire, il en a parlé avec Énergie Partagée, il y en a des centaines aujourd'hui d'expériences comme celle-ci, et c'est vraiment, vraiment, vraiment enthousiasmant, parce que justement, ça montre que quand on met de l'énergie avec ambition, avec enthousiasme, mais aussi avec bienveillance, alors là, on peut avoir un effet qui permet d'impacter positivement tout un tas de thématiques, et c'est vraiment, vraiment, vraiment l'ambition de 2030 glorieuse, c'est celle de dire que de différentes menaces, on arrive à faire au contraire tout un tas d'opportunités qui nous permettront de vivre mieux. Alors oui, on aura fatalement beaucoup moins d'énergie à notre disposition, mais c'est pas grave parce que cette énergie, on l'utilisera mieux. Elle nous permettra avant toute chose de créer du lien, de créer du lien aux autres, de créer aussi plus de liens à nous-mêmes en nous créant des zones de liberté énergétique, et je crois qu'on en a désespérément besoin à l'heure où on est un peu noyé justement par cette surabondance d'énergie qui fait qu'on lui accorde plus vraiment de valeur. Voilà. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a permis d'avancer sur ces sujets qui sont des enjeux fondamentaux de la société de demain. Et je vous dis forcément à dans 2 semaines pour une nouvelle thématique passionnante. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !